Je sais parfois je suis trop jaloux, car je t'aime comme un fou. Je sais parfois je te pousse à bout, je t'aime malgré tout. J'ai trouvé mon paradis en toi, l'amour intense sans répit. Avec toi, je tiens à toi, tiens à toi. Et je prends sur moi, mais la jalousie m'envahit. Ça me rend dingue, dingue, dingue de t'imaginer dans les bras d'un autre. Ça me rend dingue, dingue, dingue, même si tu n'es pas comme les autres. Ça me rend dingue, dingue, dingue, dingue, dingue. Pourtant je suis dingue, dingue, dingue, dingue, dingue de toi. De toi, de toi. Je sais. Je sais parfois je suis trop jaloux. Avec toi douce, et je te pousse à bout, c'est que je t'aime comme un fou, fou, fou.